statues dressées dans la nuit, mais vos idoles tombent sans bruit. Rider's Kill marche droit et clair. Un nom gravé, une vérité de fer. Vous vénérez des trônes fragiles, chaque mot vide devient un style. Mais quand le vent souffle trop fort, vos idoles s'écroulent comme des corps. Moi je bâtis sans masque ni phare, chaque vérité devient rempart. Rider's Kill trace franc et léger, un feu sacré que rien n'est un vide. Broken idols fall to dust, empty crowns will lose their trust. Rider's Kill stand flame alive, truth eternal, I survive. Through the storm my voice will stay, darkness fades, I light the way. Broken idols fall to dust, but my soul is built on trust. S'incline sans comprendre, chaque faux pas les fait descendre. Des paroles creuses nourrissent leur foi, des vérités mortes sans aucune loi. Moi je parle brut sans détour, chaque ligne marque vos détours. Rider's Kill vit franc et sincère, mon feu brûle au fond de la terre. Cachez vos chaînes dans des reflets, mais vos mirages s'effacent à jamais. Moi je marche franc sans artifice, un roc debout brut et précis. Chaque mensonge finit en cendres. Rider's Kill brûle clair et honnête, un nom gravé dans vos tempêtes.